Vacarme avec le Montreux Comédie Festival du 28 novembre au 3 décembre. Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire Vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire Vivante. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. Vous savez, au Congo, comme dans la plupart des pays où les journalistes sont parfois ciblés, c'est rarement le fait de balles prises par inadvertance. Cette semaine, rencontre avec deux réalisateurs. Moi, j'ai besoin de faire un film et puis en face, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. De Kafka à Lucha. Le militaire n'est pas dit par ici au Congo. Il tire. Au boulot, au Congo. Les Nations Unies passent. Et les gens jettent des cailloux sur ces gens, je me prends un caillou aussi. Et je me dis, waouh, ça va être chaud. Le Congo est un scandale géologique. C'est un des pays potentiellement les plus riches du monde. Et puis, qui a tiré? Tu sais, ce qui me soutient, c'est quand quelqu'un me dit, on est ensemble. Qui a commencé? Je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. On vous retrouve, Marlène Rabault, pour poursuivre cette semaine que nous consacrons à la fois à votre travail et à celui d'Arnaud Zatchman. Il a été question de Congo toute la semaine. Je voudrais bien, puisque en tout début de semaine, vous nous avez dit que vous avez commencé par les Beaux-Arts, et puis on a compris au fil du temps que vous êtes quand même passé sur terrain de guerre, ce qui n'est pas tout à fait exactement le même registre, même si le travail de gravure est un travail physique. Vous retrouvez sur un terrain de guerre qui plus est, pour quelques semaines, mais plusieurs années, dans un territoire aussi particulier qu'est le Congo. Comment ça s'est fait pour vous, ce contact-là, la découverte de cet univers de la guerre? C'est vrai que je suis arrivée au Congo pour y chercher des savons parfumés et une histoire pleine de poésie qui datait d'il y a un siècle à Roubaix. Et puis je suis arrivée dans un Congo en guerre. Donc, je suis pas arrivée tout de suite dans l'est du Congo. Je suis arrivée à Kinshasa. Donc là, c'est pas, il n'y a pas la guerre, mais il y a effectivement une situation politique qui est un peu mouvementée. Donc avec des coups d'État, avec tout ça. Mais bon, je pense comme beaucoup de gens qui débarquent à Kinshasa ou ailleurs, bon, tout d'un coup, on se dit c'est là, je suis bien. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé l'énergie, j'ai beaucoup aimé la rencontre avec les gens là-bas. Et donc j'ai voulu y rester plus longtemps que ce qui était prévu. Et donc j'ai rencontré Arnaud Zeitman, qui était journaliste pour la radio BBC et qui faisait beaucoup de terrain, qui allait souvent dans l'Est. Et lui me disait, mais ah tiens, si tu veux rester au Congo et si tu veux faire un peu d'argent, tu pourrais filmer parce qu'il n'y a personne qui filme ici. Je dis, bah ouais, ok. Donc j'ai emprunté une caméra H8 de famille à une amie et puis je suis allée avec entre deux goûters d'anniversaire vous lui avez piqué sa caméra exactement d'accord et donc c'est comme ça que je suis partie avec Arnaud dans l'est du Congo pour la première fois. Alors quelle première fois, vous avez quoi devant l'objectif? Des gens qui sont très mécontents par des Nations Unies, des casques bleus, qui sont déjà au Congo depuis 10 ans et qui n'ont pas réussi à ramener la paix. Et donc, je me retrouve dans un village où il y a eu des gens qui ont été tués, on ne sait pas trop par qui, et les Nations Unies passent, et les gens jettent des cailloux sur ces gens. Je me prends un caillou aussi parce que je ne suis pas loin. Et je me dis, waouh, ça va être chaud. Mais je vois pas tout de suite des choses très dures, en fait, parce que c'est vrai, quand on est sur des terrains de guerre comme ça, on n'est pas toujours dans des massacres où c'est arrivé, mais c'est parce que je suis restée plusieurs années, mais sinon, on voit des gens qui sont en train de fuir leur village, qui sont sur les routes, avec toute leur maison sur le dos, avec les enfants, les matelas, etc. On suit des histoires, on suit des gens qui n'ont plus rien et qui savent pas trop où ils vont. Est-ce qu'on s'oublie dans ces moments-là par la nécessité qui opère à l'extérieur, ou est-ce que parallèlement on cohabite aussi avec de nouveaux sentiments de soi-même, à l'intérieur de soi-même? On se met à se découvrir soi-même. Je pense que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, effectivement, le terrain. Comme je pense les pompiers aiment bien être sur le terrain, comme les médecins aiment le... J'étais bien à tendre l'oreille et à écouter ces gens-là, avec eux, dans ces moments difficiles. Je me sentais tout à fait légitime à faire des images et je savais qu'eux le voulaient aussi. Donc, avait envie de témoigner sur quand on vient de perdre un enfant, un parent, un proche. Finalement, souvent, on a envie de... En tout cas, là-bas, c'est tellement violent ou injuste que les gens racontent les histoires parce que, je ne sais pas, c'est peut-être une façon de... Peut-être d'avancer aussi. Du cuivre et du cobalt, voilà ce qui, de tout temps, a attiré les étrangers dans la province du Katanga. Aujourd'hui, des investisseurs chinois ont installé quelques fours pour traiter le minerai. Mais dans les années 70, ce sont les Japonais qui avaient investi massivement. Pour faire tourner le projet, pendant 10 ans, plus d'un millier de travailleurs japonais se relayent. Des hommes seuls, venus sans leur famille. C'était des hommes comme nous, qui ont trouvé parmi les Congolaises des belles filles, et qui ont estimé qu'ils pouvaient partager un lit, un toit ensemble. Et ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde, et ça n'avait pas créé beaucoup de problèmes. C'est par contre chez eux où on ne pouvait pas rapatrier la progéniture. Ces femmes affirment avoir vécu une expérience terrible. Pour le prouver, elles nous emmènent au cimetière de leur village. À côté des tombes entretenues, il y a celle laissée en friche. Et c'est les Japonais. L'enfant des Japonais. L'enfant, il est mort. Selon ces femmes, ce sont les tombes des enfants qu'elles ont eues avec des hommes japonais et qui furent tués systématiquement après leur naissance. Yvonne retrouve la tombe de son enfant. Kalamamuelua. Gina. C'est le nom des enfants qui est mort. Moukouchi qui a fièvre, il est. Le docteur japonais a pris mon enfant et est entré là où étaient ses amis docteurs. Moi, je suis restée à l'extérieur. Ils se sont parlé et lorsqu'ils sont sortis, nous sommes entrés dans le véhicule et nous sommes partis. Le lendemain, l'enfant était mort. Au Congo, on avance, les gens avancent, c'est ça qui est très fort, c'est qu'ils ont une force comme ça... intérieur, ils ont vécu les pires choses, les pires traumatismes, ils endurent ça. Ils ont la foi, effectivement, mais voilà. Ils ont la langue également, parce que leur manière de parler est vraiment à maintes reprises stupéfiante. Oui, c'est clair. Comment vous pourriez un peu nous en parler, nous en témoigner ? Ça vient du cœur, ça vient du chant, ça vient de l'église, ça vient de la louange. Je trouve qu'au Congo, on a envie de dire les choses... avec clarté, avec et on n'a pas peur du sentiment aussi, on n'a pas peur de dire qu'on aime. Et donc la communion est vraiment facile, je trouve, entre eux et quand on y va. Et donc moi, je suis toujours comme ça, là-bas, dans un bain, je me sens entourée d'amour. Donc c'est vraiment toujours très agréable, en fait. Parce que vous filmez gens... en lévitation, quoi. Oui, complètement. Voilà. Oui, oui, oui, oui. Même si je pense que ça ne se voit pas toujours dans les films, parce que malheureusement, je ne peux pas faire du Chantal Akerman et rester 10 minutes sur un plan. Mais j'aimerais, parce que c'est possible au Congo. Ça arrive dans la liste. Qu'on vous arrête, qu'on vous relâche, qu'on vous condamne même. Et la mort arrive parfois. Ça peut arriver quand on tire sur nous. Est-ce qu'on doit laisser la lutte ? Là. Alors, dans les marabouts, il nous faut revenir à deux personnages importants dans votre documentaire Congo Lucha, dont on a déjà commencé à parler hier. Il y a celle dont vous voyez le regard alors qu'elle purge ses 6 mois de prison. Regard qui vous interpelle, c'est une photo dans un journal, c'est ça. Regard qui vous interpelle dans sa clarté et sa douceur et sa détermination. On doit lutter pour ça, pour ne pas avoir des condamnations gratuites comme ça. Mais comment faire pour éviter la condamnation? Tu peux pas y... On doit changer le régime. Oui. On doit changer le régime, parce que tous ceux qui sont là, les magistrats, tout le travail pour Kabila, on doit changer tout. Et puis Luc, qui est ni plus ni moins le neveu d'un homme dont vous connaissez bien l'oncle, et pour cause, puisqu'il a été au cœur d'un de vos documentaires avec Arnaud Zaitman, avec la caméra qui rentre dans la prison, lui qui se filme à l'intérieur de la prison, qui se déguise en femme pour sortir de la prison. Enfin, une histoire absolument rocambolesque. On va donner son nom, c'est Antoine Vumilia. Il vit désormais en Suède. Et donc, Antoine est l'oncle de Luc. Luc va être l'un des personnages principaux, mais on peut dire presque le personnage principal de votre documentaire. L'idée de la lucha, c'est d'encourager la population à être exigeante. Parce que si la population est exigeante, nous aurons des autorités, pas imposteurs, mais redevables et excellentes. Ils ne vont pas commencer à s'improviser au pouvoir, mais ils y seront que s'ils ont des propositions à donner, des propositions pour l'amélioration des conditions de vie de la population. L'idée, c'était de pouvoir mobiliser plus de jeunes, parce qu'imaginez-vous que la RDC est composée de 75% d'une population jeune. Et on s'est dit, nous avons l'avantage du nombre, nous avons de l'énergie, ça veut dire nous pouvons nous mobiliser pour pouvoir voter utile. Alors, vous nous avez déjà averti, Luc n'est plus. Et Luc n'est plus pendant le film. C'est-à-dire qu'au moment où vous le démarrez, bah, Luc est bel et bien là. Et puis, pendant que vous tournez, bah, Luc ne va plus être là. Ça se passe, je crois que c'est au mois de juin 2018, si je ne m'abuse. À quel moment en êtes-vous de votre documentaire? Est-ce que ça tombe mal dans tous les sens, si j'ose dire? Évidemment pour lui, peut-être aussi pour votre projet. Voilà, comment ça se déroule? Je suis en montage à ce moment-là. Donc vous avez fini de tourner alors? Oui, quasiment. On ne sait jamais, mais la caméra est toujours prête à partir et je suis toujours prête à y aller. Mais après quasiment 2 ans de tournage, je pensais avoir largement de quoi faire le film. 2 ans de tournage? Ça fait des kilomètres, ça, si c'est de la pellicule. Bah, 2 ans, disons, entre la première et la dernière image tournée. Et j'ai fait, bon, disons, 8-9 voyages sur place. Donc oui, 2 ans à aller régulièrement à Goma, à suivre Luc, Rebecca, et puis Espoir, et puis la Lucha. Espoir, il faut le présenter, en dire un mot. Espoir, je le rencontre très rapidement, dès le début. Il est plus jeune que Luc. Oui, il est plus jeune. Il a l'âge de Rebecca, en fait. Hein, donc, ils ont 22, 23 ans. Et lui, il est journaliste de radio. Et il n'a pas la langue dans sa poche. Au Congo, il y a une liberté d'expression, quand même, à la radio, surtout. Lui, il ne se prive pas pour critiquer le régime, etc. Et il regarde un peu la lucha à distance, comme ça. Il est admiratif, mais il sait que s'il s'engage dans la lucha, il va peut-être perdre son travail. Donc, il hésite un peu, mais voilà. Et puis, à peine entré dans la lucha, il va se faire arrêter et torturer. Et donc, je le rencontre le soir de sa libération. Il sort du cachot, il a le pied enflé. Sa maman le panse, le soigne. Oui, il vient de recevoir 50 coups de fouet sous les pieds par 5 policiers qui étaient assis sur son dos. Il avait les pieds et mains liés. Donc, un traitement archaïque que ces jeunes qui sont connectés, qui sont de notre monde, trouvent vraiment archaïque. Et donc là, on voit vraiment le décalage qu'il y a entre ce qu'il vient de subir et ce qu'Espoir espère pour son pays, quoi. Vraiment, qu'enfin toutes ces choses-là cessent, quoi. Je ne peux pas prendre une arme pour tuer. Je ne peux pas prendre de l'argent d'autrui pour essayer d'échanger. Je ne suis pas égoïste, plutôt je veux apporter quelque chose dans son peuple pour le changement de mon pays. Un changement qui commence d'abord par moi, puis par une autre personne. Nous sommes un mouvement apolitique, nous ne sommes pas politiques. Nous sommes un mouvement citoyen. Et dans la lutte, il y a toujours quelques blessures. La plus grande crainte, c'est la mort. On ne va pas mourir. Alors revenons à Luc. Vous êtes déjà en montage. Le film est, j'imagine, bien avancé. Vous apprenez sa mort. Au petit matin, le feu brûle encore dans les décombres de la maison de Luc Nkulula. Les voisins ont lutté toute la nuit pour essayer d'éteindre l'incendie. En vain. Luc a demandé à ce qu'on jette des grosses pierres pour casser la porte, mais ça n'a pas marché. Il a tenté de sortir par la fenêtre, mais personne n'a pu arracher les grillages. Très rapidement, le feu a gagné et la maison a brûlé entièrement. Abattus par la tristesse, les amis de Luc Nkulula fixent sans un mot les débris encore fumants. Luc était un des militants les plus emblématiques du mouvement citoyen La Lucha. À Goma, personne ne croit à l'accident. Que faites-vous, Marlène Rimbaud ? Eh bien, je contacte sur place les gens qui ont pu faire des images de sa maison brûlée. Et je récupère les images. Et puis, je me demande si je dois mener l'enquête sur la mort de Luc. Je me dis forcément qu'il a été assassiné. Je ne crois pas une seconde que ce soit un incendie accidentel. Et c'est pourtant la conclusion de l'enquête de la police qui va se faire très très vite, très rapidement, et qui va conclure à l'explosion de la batterie de son panneau solaire. Donc je regarde mes images, je vois que je peux montrer, en ayant filmé la maison de Luc, que des fils montaient à l'étage et que les batteries sont bien à l'étage et que le feu s'est propagé en bas, qu'on peut prouver que c'est pas les batteries. Et puis même sa sœur, Amen, dit rapidement qu'elle a essayé de lancer des seaux d'eau dans le salon et que la télé fonctionnait encore. Donc ça veut dire qu'il y avait encore de l'électricité, donc que la batterie n'a pas explosé. Donc l'incendie n'a pas été... Donc d'où vient... C'est pas le fruit du hasard du tout. Non. Donc je me dis que tout ça doit être dit et je me demande si je dois retourner au Congo, en fait. Et là, c'est bien d'avoir un peu de... d'avoir Arnaud, d'avoir... avoir quelqu'un avec qui discuter. Oui, voilà, qui connaît l'histoire et qui a suivi, et d'avoir comme ça un producteur qui... Il vous dit quoi ? Qui connaît bien. Qu'est-ce qu'il dit, le producteur ? Que je le ferai plus tard. Que si je veux le faire, je le ferai plus tard. Mais que là... Pour finir déjà une chose. Ouais. Et voilà, donc... c'est se retrouver aussi... tout d'un coup avec une menteuse et des images de Luc, on a toujours l'impression qu'il y a un arrêt sur image sur Luc, qui a un regard caméra, un sourire, quelque chose, et on fond en larmes, quoi. C'est un montage qui devient vraiment dur. On est en deuil, quoi. Après, ça change le film, évidemment, parce que Luc était déjà important, mais là, on veut mettre en lumière aussi... ce qu'il a pu dire, qui pouvait peut-être annoncer ça, quelque part, d'une façon ou d'une autre. J'avais envie de montrer quand même que Luc était l'aîné et essayer de montrer la voix aux plus jeunes et de montrer Espoir qui prend la relève. Donc voilà, j'avais envie de montrer que Luc, c'était son rêve aussi, la Lucha, et de montrer qu'il avait envie de former... cette nouvelle génération. C'est la population enfin qui est en train de prendre conscience. Et on devrait laisser cette vague continuer. Kabila n'a pas le droit de prendre en otage. Il est illégitime depuis 2016. Depuis décembre 2016. Donc, pour le moment, nous sommes en train d'exiger notre droit. Le respect des principes. Kabila doit dégager. On l'a dit, Marlène Rabault, ce qui, à l'évidence, vous a séduit rapidement et qui... séduit le spectateur que j'ai été en regardant vos images ce matin même, c'est l'extraordinaire vibration de ces jeunes hommes et jeunes filles. Il y a une scène qui est des plus révélatrices, je vais essayer de la décrire pour ceux qui nous écoutent. Imaginez des jeunes gens en train de manifester et ils vont s'asseoir rapidement parce que devant eux, il y a des policiers qui les tiennent en joue. Et ces jeunes gens, plutôt que de brailler après des policiers qui les tiennent en joue, ils auraient toutes les raisons de leur en vouloir, s'adressent à eux en leur disant « Vous êtes nos champions ». Et une espèce de retournement totalement imprévisible pour le spectateur. Et il faut bien dire aussi, dans l'œil du policier qui a l'air bien malin avec son arme, qu'on lui a demandé de tenir pour mettre en joue ces jeunes gens, mais qui peut d'évidence pas appuyer sur la gâchette. Je trouve que cette scène-là est l'un des ADN de ce qu'ils sont. J'imagine que vous en avez parfaitement conscience au moment où ça se passe devant vous, parce que ça, vous pouvez pas le mettre en scène, ça arrive au moment où... Oui, non, rien n'est mis en scène. Je ne connais pas la mise en scène. Oui, évidemment, c'est tellement fort à ce moment-là. Et puis c'est Espoir hein, qui mène la marche, qui est devant, là, face aux policiers. Et cette façon de se mettre par terre et de ramper, donc c'est-à-dire de... Ok, on s'assoit, on se met par terre, mais on continue d'avancer vers vous, parce qu'on croit toujours en vous, parce qu'on ne veut pas reculer, on ne veut pas... C'est pas une question de ne pas montrer qu'on n'est pas fort, c'est pas ça, c'est de dire, c'est une main tendue en fait, vraiment, pour dire, on peut changer encore, on peut changer les choses. Et vous pouvez aussi prendre conscience qu'on est avec vous. Donc c'est vrai que vous êtes des champions, parce qu'avec vos âmes, vous pourriez nous protéger plutôt. Avec vos armes, vous pourriez protéger le pays, vous pourriez faire tellement de choses. Donc oui, ils ont l'art de chanter quand ils sont en action. Ça leur donne de la force, de la visibilité, ça les protège. Et de la joie. Et de la joie, oui, bien sûr. Vous avez évoqué hier, Marlène Rabault, ce qui pouvait être à l'origine de l'extraordinaire chant de leur langue parlée. Et vous avez rappelé aussi à quel point sans doute la croyance illuminait ce verbe. Je voudrais passer au chapitre des mains. Les mains jointes de la prière, on peut largement se les représenter, même sans avoir un documentaire à se mettre devant les yeux. Eux aussi accordent une importance à la jonction des mains, mais ce n'est pas tout à fait celle de la prière. Elle peut y ressembler, mais ça serait plutôt un peu un cousin. Vous pourriez peut-être le décrire à ceux qui nous écoutent. Oui, la lucha, à la lucha, on se salue avec la main gauche. On se met face à face et chacun met sa main gauche. Comme ça, et on se croise les doigts. Et les deux mains, comme ça, tenues, on se les rapproche près du cœur, pour être plus proche encore du cœur. Et donc, ces deux mains croisées, ce sont les doigts qui sont les forces et les creux qui sont les faiblesses. Et donc, nos forces qui vont rencontrer et combler les faiblesses de l'autre. Et donc, ensemble, on est plus fort. Alors qu'une main posée contre l'autre... Ou un poing fermé, on peut vite se désolidariser. Et donc là, c'est cette façon de s'accrocher les mains, mais aussi de s'accrocher les corps quand ils sont arrêtés, entourés par la police. Tout de suite, c'est la stratégie du tourbillon, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent comme ça, ils se mettent les bras les uns tous ensemble. Pour faire chaîne. Et donc la police ne peut pas en attraper un seul. Ils sont obligés de prendre un groupe. Et donc ça veut dire qu'ils seront arrêtés en groupe. Et donc ça veut dire qu'ils ne seront pas seuls, mais surtout qu'ils ne seront pas torturés, parce que c'est quand même difficile de torturer 20 personnes en même temps. Et puis ils seront vite relâchés parce que c'est pas facile de garder 20 personnes au cachot ou en prison. Alors que quand ils sont arrêtés à 2-3, là, ils passent un sale moment. Amène la main gauche, comme ça. Et puis, ici, ce sont les forces, ici. Les faiblesses, c'est ici. Et maintenant, vos forces entrent dans mes faiblesses. Et mes forces entrent dans vos faiblesses. Et puis, on fait ça. Et là, on est tous forts. Ici, on ne peut pas nous séparer. On ne peut pas nous séparer. Tandis que si nous étions chacun avec ses forces, si c'est se cache avec ses forces, on peut nous séparer facilement. Oui, c'est ça. Autre point, Marlène Rabault, qui me paraît intéressant d'évoquer, c'est vous nous avez raconté hier qu'au moment où vous les découvrez, ils sont vraiment une toute petite poignée et que assez rapidement, à mesure que vous travaillez sur votre projet et que vous enregistrez des scènes, le mouvement essaime de plus en plus à travers le pays. Et là, nul n'est besoin d'être grand clair pour réaliser à quel point les réseaux sociaux et les nouvelles technologies jouent leur rôle. Vous nous le disiez d'ailleurs, je crois hier, ils ont le nez dessus en permanence, j'allais dire un peu comme tout le monde, quoi. Donc ils n'ont pas d'eau d'un côté, mais ils ont le nez sur les réseaux sociaux. Ce qui est un décalage absolument incroyable. Oui, parce qu'un téléphone, ça coûte pas très cher, finalement. Avec 10 dollars, 20 dollars, on peut avoir un téléphone et avoir une connexion. Et puis, de l'électricité, même si on n'en a pas à la maison, on peut en trouver à l'université ou même dans la rue. C'est plus facile d'avoir du réseau que de l'eau. Oui, c'est pas très cher. Et puis, c'est quand même c'est fondamental de savoir ce qui se passe dans le monde quand on est enfermé comme ça, quand on est jeune et qu'on a étudié, et qu'on a éduqué. Oui, c'est fondamental, mais c'est en même temps toute la nouveauté de ces nouveaux groupes qui font de la lutte. Évidemment, parce que je pense que c'est la différence qu'il y a entre eux et leurs parents, qui n'ont pas lutté. Non, mais aujourd'hui, évidemment, ces jeunes sont conscients du décalage qu'ils vivent, entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils pourraient vivre. L'injustice ne passe plus, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Luc était un juriste... Le droit, c'est fondamental pour eux. Quand ils réclament de l'eau, de l'électricité, c'est parce que c'est inscrit dans la Constitution que le Congolais doit être respecté et sa dignité doit être préservée. Là, je ne vais pas vous cacher, à n'importe quel moment, on peut venir nous ramasser ici et donc on peut se retrouver à un endroit triste. Mais vous acceptez quand même de prendre ces risques. Pourquoi vous prenez ces risques? Quelle est votre vision? Quels sont les objectifs que vous avez par rapport à ça? Vous avez un acteur dans votre documentaire, Marlène Rabault, qui n'a pas encore reçu à ce moment-là le prix Nobel, si mon agenda mental est le bon. Alors, je vous laisse nous décrire de qui il s'agit. C'est le docteur Mukwege, qui est la personne qui prend en charge, qui vient en aide à toutes ces femmes violées dans l'Est du Congo, depuis longtemps maintenant, depuis 10 ans, 15 ans. Donc c'est un chirurgien qui est très reconnu, évidemment, pour son travail, qui est très menacé aussi par le pouvoir, certainement, parce qu'il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire aussi que les choses ne tournent pas rond au Congo et qu'il faut changer les choses. Même vous ici, ceux qui sont convaincus, je suis sûr qu'on vous a déjà tendu l'argent, on vous a déjà proposé l'argent. C'est là où j'ai dit, il faut savoir dire non. Puisque vous avez votre conviction, et cette conviction-là ne s'achète pas. Son prix, ce n'est pas l'argent. La corruption va avec l'argent. Et je pense que la tendance, lorsqu'on n'arrive pas à vous corrompre, on vous met en prison. Ou alors, on vous tue. Voilà, c'est une méthode. Mais vous devez être des leaders. Vous devez montrer que vous êtes capable de tenir. Même si on vous dit c'est la mort, vous dites j'y crois et je sais que c'est ça la vérité. Je me tiens à la vérité et vous n'allez pas me perturber. Puisque ce que je dis, c'est la vérité. Et donc il rencontre cette Lucha. Moi j'ai vu, effectivement j'ai assisté au fait que le docteur Mukwege s'intéressait de plus en plus à la Lucha et a pris contact avec Luc pour voir un peu ce qu'il en était. Et donc j'ai vu Luc être de plus en plus proche du docteur Mukwege. C'était important parce que je pense que l'envie de Luc c'était évidemment de faire des petits dans tout le pays, c'était de rassembler un maximum de gens. Et grâce au docteur Mukwege qui reçoit beaucoup d'attention et d'aide de la part de fondations, etc. Il y avait une chambre d'écho, forcément. Voilà, et Luc a pu faire le tour du Congo pour aller dans les villages les plus reculés, pour aller essayer de mobiliser les gens. Ça va être quand le premier visionnement? Ce film, il va être présenté où? Il sera présenté pour la première fois à Bruxelles, à l'occasion du mois du doc, le 29 novembre. Ensuite, la diffusion sur la RTBF le 13 décembre, sur la 1, 22h50. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. À bientôt. Merci à vous. Et tout de suite, un extrait du documentaire Kinshasa Makambo, documentaire de Dieudo Amadi, à voir dimanche soir sur RTS2. C'est le calme qui a régné ce lundi à Kinshasa en cette journée tant attendue du 19 décembre qui menaçait pourtant d'être explosive. À la surprise générale, Étienne Tshisekedi n'a pas donné de mot d'ordre et a fait le choix à la dernière minute de rejoindre la table des négociations menées par les évêques de la Conférence épiscopale du Congo. Il a déclaré vouloir donner une chance à une sortie de crise pacifique afin d'éviter que le pays ne retombe dans de nouvelles flambées de violence. Un extrait du documentaire Kinshasa Makambo, documentaire de Dieudo Amadi, à voir dimanche soir sur RTS2. La semaine prochaine, hasard de la programmation, il sera question, sans aucune malice, de la Belgique. Cette semaine était réalisée par Jérôme Nussbaum.